Fuego Prod. Darkness, si tu nous cherches, on te craint. On dépasse les traces, démarque pas de strass, souffle sans c'est le tact, sans le box on déplace. Tu brutes pour les tasses, production en place, la pompe décolle et se déplace. Faire des packs, des paras, les tortures sur tes basses, on torture sans les chasses. La morsure quand on chasse, laisse nos morsures, on répand la chaleur de Marseille à malheur. Couper ses verres jusqu'à l'heure et tremblement c'est pas l'heure, mais un jour ça viendra. Tu sentiras glacé sous tes bras, fais le seul et tu verras qu'un jour tu t'aideras. Jackson.